DJ Pasca. Le vrai combat, c'est celui qu'on met. Tout pété dans la solo. Le vrai combat, ça va d'obstacle à obstacle. Sa merde, on ira jusqu'au bout. Vas-y, ouvre les yeux et regarde. Le vrai combat, des coups d'appel. Pas de la bouche que des faits, pas des faux que des vrais. Les sons, les vrais combats. Let's go, un coup de pas. Des mecs rares, reste dans ta place. Les sons, les sons, ma musique, combat. C'est le concept. Préviens les sons. Mille est toujours pour le vrai hip hop. Préviens les sons. Pas de la bouche que des faits, pas des faux que des vrais. Préviens les sons. Fusil à pompe, musique. Glock, glock, glock, glock, dans la boue. Préviens les sons. Toi aussi t'es concerné. Vrai combat. Préviens les sons. Soldats, si tu prends les armes, pas de mort. Ne te trompe pas, ne compte pas. T'es au parfum.